Henry Perlman était un self-made man, né en 1895 à Manhattan, dans le Lower East Side, et élevé à Brooklyn. Après le lycée, il travailla comme secrétaire pour la United Cork Company pour un salaire de 7 dollars par semaine. Puis il fut promu à un poste de vente et en 1919, il fonda sa propre entreprise, Eastern Cold Storage. Vers la cinquantaine, il commença à collectionner les œuvres d'art et fut remarqué dès le début pour son excellent goût. Avec les années, Perlman développa des connaissances remarquables dans le domaine de l'art et avait autour de lui un cercle d'artistes qu'il considérait comme ses amis. Il rencontra Oscar Kokoschka à Londres et lui commanda un portrait. Ils devinrent si proches que Kokoschka séjourna chez les Perlman quand il vint aux États-Unis. Et Perlman voyagea avec le peintre à Vienne. Henry Perlman se rappelle. Plus tard, Kokoschka m'invitait à se joindre à lui à l'occasion d'un voyage à Vienne, où le bourgmestre de Vienne lui avait passé commande de son portrait, ce qui prendrait une dizaine de jours. L'automobile délabré que la ville avait prêté à Kokoschka pour la durée de son séjour était orné de l'emblème officiel. Nous roulions dans les rues de la ville, et chaque fois que la voiture s'arrêtait à un carrefour, le policier qui faisait la circulation saluait l'emblème. Oscar se tournait vers moi et disait « Henri, tout le monde sait que je suis en ville ».